14, 46, exercice test, masculin et féminin des adjectifs. Déterminez si les phrases que vous allez entendre parlent d'un masculin ou d'un féminin. Cochez la case qui convient. 1. Vous êtes franche. 2. Tu es merveilleuse. 3. Tu es bien silencieux. 4. Vous êtes caissier? 5. Vous êtes bien cérémonieuse. 6. Tu n'es pas très franc. 7. Vous êtes parisienne? 8. Vous êtes caissière? 9. Tu es bien cérémonieux. 10. Vous êtes bien silencieuse tout à coup. Copyright 1994, Yale University.